Read for LibriVox.org by Ruth Golding. It has been said that poets dwell in the shadow which coming events cast before them. The following curious lines, which might have passed unnoticed in 1910, are significant enough today. Though not a different land, a different age is ours, a different stage. New characters are on the scene. Instead of peace, the bright steel sheen. In lieu of rest, mad rage. The warlike clarion's shrill alarms, the ruthless power of deadly sin. Round humble cots, round verdant farms, the roar of beasts, the clash of arms. And o'er the land, the battle's hideous din. Through hill and dale a storm of discord whirls, the rising smoke of ruin curls. Shrieks of the wounded, Silence of the Dead. A more enlightened age of lead. End of the... Oiseaux guerriers, vous précipitez dans l'air le désastre et la ruine. Les hommes inoffensifs, vous les triturez par la poudre et le feu. Ne soyez pas maudits, mais maudite soit la guerre. Maudits ceux qui l'ont propulsée. On y soit tous les vils et sournois préparateurs de la catastrophe. Les escadrilles d'avions qui là-bas irradient l'incendie et le meurtre. Et la flottille aventureuse de dirigeables coupant les vagues de l'air et faire son item de bombe. Oh, science violée abominablement et sans remords par les hommes. Oh, science souillée et corrompue par les artisans des atroces massacres. Aux sciences chassées des laboratoires et menée avec brutalité sur les champs de bataille comme une vierge tombée. ce sont mille exceptions, ils soient ennuyés, ils soient honteux, ils soient maudits, tous ceux qui ordonnent, tuent, massacrent et destruction. Les oppresseurs de l'humanité, trop longtemps trop fort. Thank you. Thank you. C'est bordel. C'est bordel. Oui. 1, 2, 3, quand je suis fou. Thank you. Thank you. Thank you.